Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour mardi. Bonjour mardi. Mardi, on peut dire que la semaine a commencé, on peut dire que le week-end est en vue. Ouais. Ouais. On le voit de loin quoi. Vous voulez que je vous mine là tout de suite en démarrant l'émission? Bah oui, c'est tout ce qu'on demande évidemment à 6h03 d'être miné. On est le 30 août, dans 3 mois. C'est Noël. Oh là là. Oui, c'est vrai. Déjà. Pas mal ça, de se dire ça. On sort de l'été. Hey. On va bouffer de la musique de merde. Hein. Non, ouais. Ça c'est horrible. Ah bah, ça, c'est... Le seul problème de Noël, c'est ça. C'est de écouter des musiques en août et que c'est déprimant. Non, non, d'écouter des musiques en décembre et c'est déprimant. C'est le départ. Il est 6h03, on est là avec vous, on est de retour pour une nouvelle journée, pour démarrer cette journée ensemble, pour s'envoyer du positif, pour s'envoyer de la bonne humeur dans la gueule. Ouais. C'est Manu dans le 6-9, je ne suis pas seul évidemment, vous l'avez entendu, il y a Oriane qui est avec moi. Et je vous envoie du bonheur dans la gueule. Mais envoie du bonheur. Il y a Nico du Web aussi. Salut toi. Il y a Glandu. Hello. Glandu le retour. El ça Glandos, El Mexicanos. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a musique. Maintenant. J'ai envie d'envoyer de la musique aujourd'hui, donc j'envoie de la musique mexicaine, c'est El Glandos. Pour démarrer cette journée, est-ce que vous avez envie de partager les choses avec nous, les amis? Est-ce que vous avez arrivé des choses dans votre vie, Nicole ouais. Webb? Moi, je suis mitigé ce matin. Mitigé de quoi? Je suis mitigé parce qu'en fait, cette nuit, je n'ai pas dormi avec ma copine. Pour la bonne et simple raison. Tu te maries pas dans quand même quasiment même pas un mois là? Dans deux semaines, hein, ça arrive très c'est vite. Dans deux semaines, là, ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe très vite. J'essaye de repousser le truc. Ça passe très vite. Non, c'est pour toi que je dis ça. Merci. Pourquoi t'as pas dormi avec elle? Bah parce qu'elle en fait, elle avait trop froid et moi j'avais trop chaud. Ce qui fait que j'ai préféré dormir sur le canapé où là j'ai pu ouvrir la fenêtre. Et elle a dormi dans la chambre où elle était voilà dans, sous une couette, etc. Elle était bien. Oh, c'est ce que je fais des fois, moi. Elle est trop prise, je suis trop seul, je vais dormir chez une nana. Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai pas poussé le truc jusque là, mais... Et pourquoi, comment quelqu'un peut avoir trop froid et l'autre trop chaud? Bah c'est moi je dors d'habitude nu et elle met tout le temps un pyjama, etc. On n'a pas visiblement la même condition physique. D'accord. Là-dessus. Donc du coup voilà, donc moi j'ai dormi dans une autre pièce et le problème c'est que j'ai hyper bien dormi et j'avais pas aussi bien dormi depuis très très longtemps. Donc je me dis effectivement que je me marie dans une semaine et demie et que ça pue un petit peu. Si on commence avant le mariage à dormir séparés. Il y a des mariages très heureux avec les gens, bah, c'est les papas, les grands-papas de ça, ils dorment dans des chambres séparées. Hein. Bah oui, oui, mais les grands-papas. Mais non, mais même mes parents qui sont pas vieux, ils font chambre à part et ils ont pas c'est l'air malheureux. Ouais. Bah, mon père est un énorme ronfleur. Ah. Et mais et ta et... mère est une énorme cochonne. Ah, non, non. Je te calme. Qui a dit ça? Quel enfoiré qui a dit ça sur ma mère? Non, non, et ma mère est un peu insomniaque, donc ma mère... va dormir sur le canapé. Bon, c'est pas très galant, mais c'est comme ça que ça se passe. Père, génial. Écoute, chérie, tu n'arrêtes pas de ronfler. Ouais, bah bon, bah, tu dors sur le canapé. Et je le trouve pas malheureux. Donc, si ça se trouve, vous serez encore mariés dans 40 ans. Tu seras sur le canapé, elle dans la chambre avec une grosse couette et vous serez très bien comme ça. D'accord. Puis, bon. Du coup, il a internet dans sa chambre. Mon père? Ouais. Non, je sais pas s'il connaît. Pour aller voir des vidéos, pour aller s'amuser tout seul. Non, ça. Il sait pas utiliser ça. Non, je pose la question. Bah, écoute, tiens-nous au courant. Bah, si ouais, tu veux. J'ai découvert ce truc-là. Écoute, pour l'instant, ça fonctionne. Non, le seul truc galère, c'est qu'il faudra que t'achètes un autre appartement avec une autre chambre, quoi. Enfin, oui. Voilà, pour. Ou alors tu dis bon bah écoute, je dors dans la chambre du bébé, on le fera plus tard. C'est une bonne excuse. Ouais, c'est pas mal. C'est très belle excuse. Est-ce que vous avez autre chose à partager avec oui. nous, Oriane? J'ai pris une très grande décision. Alors juste une règle, je vous l'ai dit et vous m'encouragez même si vous y croyez pas. Vous minez pas, vous essayez pas de m'en dissuader. Ça c'est la règle. C'est en amitié, je préfère qu'on aille dans le sens de quelqu'un qui t'a menti. Avec tes amis, ok, mais avec nous. C'est quoi ton truc, vas-y. Je vais aller dans les deux semaines consulter une voyante, qui paraît-il est assez incroyable. Et voilà, je flippe mais parce que c'est très flippant, parce que j'ai besoin d'avoir des réponses sur des trucs qui me semblent un peu flottants dans ma vie, ah, à savoir les enfants, le mariage. Je vais te donner ta réponse. Non, justement, c'est tout ça que je voulais éviter. Ah, non, mais si tu te demandes pourquoi, bah c'est. Ah, non. Bah... ah, mais il suffit que t'écoutes nos émissions, hein. Oui. Tu comprendras pourquoi. Je me demande... Oh non, mais attends, je vais te faire économiser une voyante, hein. Offre-moi... C'est quoi? Paye-moi un McDo, je te la fais ta voyante, hein. Oh, bah alors attends, j'ai la liste des trucs, hein. Pourquoi pas de mari, pourquoi pas d'enfant? Oh, bah. Une espèce d'enfoiré, je me demande pas pourquoi, je me demande quand, tout simplement. Et... ah, le quand, j'ai la réponse aussi, hein. Regarde là-bas l'horizon, tu vois. Et ben, c'est derrière. Ça marche, je suis contente de m'être confiée aujourd'hui ce matin. Tu veux la voir ou t'as pris rendez-vous ou pas encore? Non, j'ai le numéro. Elle y paraît extrêmement troublante. Hein. Elle te regarde, elle te décrit ta vie en deux secondes et elle va me donner des réponses sur ce que je veux. Évidemment, je vais lui dire je veux rien de glauque, rien sur les maladies, rien sur la famille. Je vais me concentrer sur l'affectif et je reviendrai avec une réponse très claire et une T'imagines, date. Tu vas la voir, tu lui dis je veux rien sur la maladie, rien sur la santé. Elle te dit bon bah revenez plus tard. Non, j'ai rien à vous dire. Non, bon, soyez encourageant. Tu nous tiendras au courant. Ah mais évidemment. Allez, 6h07. Entre l'autre qui va se marier dans une semaine et qui le fait chambre à part, et la nana qui est aveugle et qui va avoir une voyante, alors que bon, bah, c'est évident pourquoi elle n'a pas de mec. Commence bien cette journée. Manu, dans le 6-9. 6h11, j'ai des sondages, les amis. Allez, ouais. Cool. Écoutez bien, 6% des demandes en mariage ont été faites de cette manière. D'après vous, de quelle manière? Par SMS. Non, c'est pas par SMS, mais on frôle la bonne réponse. Glandu? Par courrier. Par courrier non plus. Oh le vieux. Je n'ai pas envoyé de lettre depuis tellement longtemps, à part aux impôts. Oui, bah c'est ça. Que le mot courrier me fait rire. Nico du web. C'est un truc avec les nouvelles technologies ou pas du tout? Plus ou moins, enfin non. Ah. Bah, alors, merci Manu. Plus ou moins, ouais. Je vous en prie, dès que vous avez besoin d'une réponse. Superbe indice. Nico? C'est fait par quelqu'un d'autre, du coup? Non. Vous étiez pas loin avec le SMS, en fait, c'était par téléphone. Ah oui, d'accord. 6% des demandes en mariage ont été faites par téléphone. Ouais, wow. Ça peut être gênant. Imagine, tu penses non, tu laisses un long blanc, c'est hyper compliqué pour le mec qui a fait sa demande. Quoi. Mais après, c'est pourquoi surtout? Pourquoi le faire par téléphone? Si vraiment la personne a un gros problème d'haleine, mais. Je ne vois que ça. Une personne sur deux qui a tenté de le faire cet été a échoué au bout de 24 heures. C'est beaucoup quand même. Une personne sur deux qui a essayé de le faire cet été, ça a été un échec au bout de 24 heures. Nico? C'est un régime? Non, c'est pas. Non, c'est pas. Ça n'a pas un rapport avec le corps. Ryan? Un sport? Un sport. C'est un peu corporel, ceci oui, dit, c'est de la donc... merde ce que je viens de dire, oui, on passe à autre chose. Tu parles de là ou de l'année De ma vie, oui. Glandu. Est-ce que c'est lié à un aliment? Pas du tout. Non. Nico du web? C'est lié à l'alcool? C'est pas lié à l'alcool. Non. Je vais vous dire honnêtement, si moi je devais le faire, je suis pas sûr que j'y réussirais. Un truc sexuel? Non. Ne pas toucher à l'ordinateur ou les réseaux sociaux. Ne pas aller sur internet. Et ouais. Ah ouais, non. Ouais. Une personne sur deux qui a tenté de le faire cet été a échoué au bout de 24 heures. Mais ne ouais. pas aller sur internet. Je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai défi. Mais c'est oui. Impossible. Glandu? Moi je suis allé en Roumanie, je me suis acheté une carte SIM roumaine pour pouvoir avoir internet là-bas. C'est impossible de pas aller sur internet, je suis obligé d'avoir internet partout. Tu mens? Pourquoi? Ils ont pas de carte SIM. Je connais, ma copine, je vous rappelle, elle est d'origine roumaine, je suis allé ouais. là-bas en Roumanie. Hein. Ah bon? C'est fou, hein. C'est l'idiot, évidemment, qu'ils ont des cartes SIM, ils ont des téléphones, des ordinateurs, ils ont tout comme toi. Mais non, pas du tout, ils mangent les gens là-bas. Ah, mais c'est sûr. N'importe quoi. Je vous jure. Mais dis que tu plaisantes, espèce d'idiot, tout le monde va croire que c'est vrai, que tu le penses en plus. Mais je vous dis que ma copine est roumaine, elle a mangé deux de mes meilleurs potes. Arrêtez vos conneries. Enfin, bon, on a le temps pour un troisième sondage. Oui, allez. 25% des hommes le font au boulot. Pourquoi? Pour ne pas que leur partenaire les voit le faire. Ah, regarder du porno. Non, c'est pas du porno. Ah. Nico? Mais c'est regarder un truc sur un ordinateur? Oui. Regarder quelque chose, même sur Facebook, pour être très précis. Ah. Des photos de leur ex? Des photos de leur ex, absolument. Oh. Des photos, bref, aller checker les pages Facebook de leur ex. Ouais. Quel enfoiré. Mais je l'ai fait hier, ça. Chez Énergie? Bah c'est ton bureau, chez... non? Non, j'ai fait de chez moi. D'accord, ah oui, mais toi, tu t'emmerdes même plus, quoi. Oui, non, bah je lui dis, viens voir, c'est une ex. Vous êtes jamais tombé sur les pages Facebook de vos ex? Vous allez pas les chercher un peu pour voir comment ils sont devenus? Ouais, c'est ça, voilà, tu vérifies leur vie, quoi. Est-ce qu'ils sont au même niveau que toi? Est-ce qu'ils sont heureux ou pas? Ouais, c'est ça. Ah, je tombe pas dessus, je les stocke continuellement. Et si un jour il y a une option pour voir qui regarde souvent ton profil, je vais passer pour une vraie psychopathe, hein. J'y vais quand même très quotidiennement. Ouais, mais je pense que tout le monde c'est pareil, hein. J'espère, ah oui, parce que non, mais là, c'est fait quand même plusieurs fois par jour. Et de temps en temps, je me dis, est-ce que j'envoie un message ou pas? Hier, ça m'est arrivé, c'était ça. Il y avait une ex, j'envoie un message, j'envoie pas de message. Non, mais de quelle nature est le message que t'envoies à un ex? Ou une ex? Ah, pardon, on était à l'antenne? Oui. Manu, dans 6-9, Énergie. 3 personnes sur 4, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont des rêves récurrents. C'est-à-dire qu'on fait un rêve, c'est un peu tout le temps le même. C'est vrai. Ouais. Les plus communs, il y a tomber. Ouais. Être poursuivi et être de retour à l'école. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Imagine, tu fais le combo, t'es de retour à l'école, t'es poursuivi par un prof et là tu fais une chute. Le truc horrible. Le être poursuivi, souvent, c'est t'es en train de courir mais t'arrives pas à courir en fait. Je sais pas si t'as déjà eu ça. Jamais. Ah ouais? Moi on a déjà parlé, mais j'ai jamais eu ce truc là de quand je cours, je m'enlise. Non, en revanche, moi j'ai le retour à l'école, ça je l'ai tout le temps. C'est vrai? Ah, ouais. C'est horrible. Et t'es nul, non? Ah bah. C'est-à-dire que, en fait, souvent, c'est je suis le retour à l'école, je dois passer un examen. J'ai rien révisé, j'ai tout oublié. Mais j'ai ce truc-là, je crois que ça m'a traumatisé les examens. Glandu? Et t'as jamais fait arriver à l'école en pyjama? Moi, ça m'arrive tout le temps. J'arrive à l'école et je suis en pyjama. En rêve? Ah ouais, en rêve, ouais, ça m'arrive. Ah non. Ah bon. Non, non. Ouais, pire qu'en pyjama, moi je rêve constamment que je suis nue sur une scène et que je ne suis pas épilée de nulle part. Tout le temps. Et je suis sûre que c'est une vraie... Non, non, mais je suis sûre que c'est une vraie signification. Au moins une fois par mois, je rêve que je suis nue devant un public et que je suis un vrai yéti, que j'ai des poils partout et que j'essaye de me cacher mais que je n'y arrive pas. Est-ce que t'as envie d'arrêter de le faire ce rêve? Oui. Eh ben, il y a une solution. Ah bon. Il faut le vivre pour de vrai. De mais j'ai pas de poils. Non, mais d'être sur mettre, une scène. De mettre, ok, pas de soucis. Bah, tu sais quoi, on va y aller maintenant. Bah, tu as deux doigts de te dire oui. Hein. Nico du web. Moi, mon rêve récurrent, justement, c'est que je couche avec Oriane. Donc, je suis pas persuadé qu'il fallait le vivre. Ouais, à chaque fois, c'est ça et je me réveille, mais hyper mal. Ah bah c'est agréable, merci. Non mais... je me réveille mais... dégoûté. Non mais c'est pas mal hein, ce mais... qu'on fait. Hein. Mais j'ai l'impression d'avoir trompé ma copine tellement c'est réel. Mais tu m'en as jamais parlé. Bah non, parce gênant. Que c'est pas un truc que t'annonces quand même à tes potes quoi. Surtout quand je suis en couple et que je me marie dans une semaine. Ouais. Et comment? Je suis là. C'est hyper bien. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais sans vanne hein. C'est de façon récurrente. Ça arrive très souvent et là du coup comme on se revoit depuis quelques jours là c'est encore plus. Encore ça fait deux jours. Et tu sais quoi? Ouais. Tu veux arrêter de le faire ce rêve? Faut le faire pour de vrai. Allez. On a Lucille qui est là au téléphone. Bonjour Lucille. Bonjour Manu. Bienvenue. Oh, j'aime beaucoup ta voix, Lucille. Écoute, c'est formidable. Moi aussi, j'aime bien ta voix, Manu. Mais tous les matins, tu es mon rayon de lumière. Tu vois Lucille, j'aime beaucoup ta voix. Et si tu crois qu'en prenant cette petite voix, tu m'aguiches et que je vais te donner un cadeau, eh ben t'as raison, tu viens de gagner. Lucille, quel est le rêve récurrent que tu fais tout le temps? Alors, écoute, ça fait 6 ans que je suis avec mon homme. J'ai toujours rêvé qu'il me demande en mariage. Il l'a fait. Je me marie l'année prochaine. Je suis heureuse comme tout. Et le pire maintenant, c'est que je fais le rêve qu'il me dise non à la mairie. Oh. Ah. Aïe. Mais attends, ça va si c'est qu'à la mairie et qu'ils te disent oui ailleurs. Eh ben, écoute, on va qu'à la mairie. Donc, parce qu'en fait, c'est un ancien divorcé. Enfin, c'est un divorcé, donc il a déjà été marié. Tu sais ce qu'on dit, hein? Très dur. Lucille, divorcé une fois, divorcé deux fois. Non. C'est génial, ça me donne encore plus la pêche, là, tu vois. Et tu lui as dit que tu le faisais, ce rêve? Bah oui, il le sait, ouais. Et alors? Ouais. Ah non, mais il me dit que ça n'arrivera pas. Bon bah voilà, ça n'arrivera pas. Ouais, bah, oui, bah le nombre de mecs qui disent non, je t'ai pas trompé. Mais arrête, ça n'arrivera pas. Nico du web. S'il avait vraiment un peu d'humour, je pense qu'il le ferait le jour J. Pour dire, hé chérie, j'ai réalisé ton rêve. Mais je pense que le mien, il serait encore capable de me le faire ce jour-là, hein, rien que pour m'embêter. Hein. Ça me ferait rire. Bon, bah. Lucille, merci beaucoup de m'avoir appelé. Il y a Alexis qui est là. Bonjour Alexis. Salut Manu. Bienvenue parmi nous, on écoute ton rêve récurrent. Alors moi, c'est sur une île déserte. Et Non, parce c'est que, bien, c'est bien, c'est intéressant. Ouais, voilà. Si c'est tout comme rêve, il est pas super. Hein. Sur une île déserte, oui. Et je me balade sur ma plage et puis je cherche le poisson. Et puis en fait, le comble, c'est que je déteste le poisson. Tu chasses le poisson. C'est que ça ton rêve? Tu es sur une île et tu chasses du poisson. Qu'est voilà. Mais je suis seul, tranquille. Me construire des cabanes, tu vois. Des cabanes, ouais, ouais. En même temps, quand t'es sur une île déserte, tu te fais tellement chier que t'en fais pas qu'une de cabane. Hein. T'en fais un max. Je peux me permettre, quand tu rêves de poisson, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est vrai. Bon, je l'ai lu dans une revue. Et ça fait combien de temps que tu fais ce rêve? Longtemps? Non, depuis longtemps. Ah oui, bah apparemment ça marche pas ton truc. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, ça va arriver l'argent. C'est quoi? Le poisson, c'est l'argent? Si tu rêves de poisson, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent. Waouh. D'accord, ben j'attends. Voilà, ben continue à construire des cabanes en attendant. C'est ça. Belle journée Alexis. Merci, ciao. Ciao Nico. Il y a juste Sandra sur Twitter qui dit: je rêve que je fais pipi et je fais pipi. J'ai 23 ans. Oh ah là là. Ça m'est déjà arrivé, c'est compliqué. Ça. Mais ça m'est vraiment déjà arrivé, ouais, ça. Bon, tu rêves que tu fais pipi, tu te réveilles, t'as commencé quoi? Dans ton lit avec ta copine? On va écouter un titre. Non, non, c'est horrible. C'est quoi la vérité? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et non. Elle te l'a dit? Bah elle me l'a dit, bah ça se voit. Mais non, mais ça arrive une fois, oh mais jugez pas. Enfin, moi, tu fais quand même pipi au lit à ton âge? Non, une fois. Oui, mais ça gâte pas, faut en parler. Une fois. C'est pas grave, tu sais, Manu, à partir du moment où... Ah, c'était pas moi, c'était mon cousin. Oui, on dort avec ma nana et mon cousin. Manu dans le 6-9. Rejoignez-nous aussi sur Facebook. facebook.com/ManuDansLe69. Énergie. On va parler caleçon. Ok. Plus précisément, sous-vêtements. Écoutez bien. Les hommes, vous allez savoir ce que les femmes pensent de vos sous-vêtements. Ah. Il y a une étude qui a été faite, et c'est pas un petit sondage à la con, une étude sur 1000 femmes. Ok. Une étude sur 1000 femmes qui a montré ce qu'elles aimaient chez nous en termes de sous-vêtements. Alors Attention, écoutez. Vous savez quoi? D'abord, j'aimerais que Anka et Marion du Standard viennent. Trompette de ralliement des femmes. Ah oui. est élégant. S'il vous plaît. Bah, j'ai que ça en trompette. Voilà, dis donc. J'ai peut-être une autre, ça sinon. Ah mais c'est encore mieux. Ça c'est ouais. Les femmes, s'il vous plaît. On est là. J'aimerais avoir votre avis, écoutez-moi. Voici les résultats du sondage, ok? Selon cette étude, pour les femmes, 62% pensent que les boxers sont ce qu'il y a de mieux en sous-vêtements pour les hommes. Okay. Ensuite, arrivent en second les caleçons. Ouais. Mais avec un petit truc, si c'est les caleçons, il faut plutôt vous éloigner de tous les caleçons rigolos, avec des couleurs, avec des logos. Mmh. Apparemment, le caleçon n'est pas l'endroit pour montrer qu'on aime les Simpsons. Exactement. Et enfin, en dernier, arrive le slip, le slop, le slobard, le slip. Il est plutôt vrai ce sondage. Alors le slip, moi, ça me tente pas plus que ça. Est-ce qu'il y a une fille qui aime les slips Marion? Ouais, moi j'adore les slips. Je trouve ça super sexy. Marion, quand même, qui a 21 ans, c'est marrant. Ouais. Bah ouais, je trouve que c'est. Ton mec, il a des slips? Ouais, il en a plein. Attends, ouais. Slip, on parle pas boxeur, en forme de culotte, en forme de kangourou. Ouais. Très bien. Bah, le slip, quoi, Nico du Web. Après, ça dépend qu'il porte, quoi. Tu vois, oui, et ça dépend aussi. Est-ce qu'il y a la poche dessus? La poche? Ouais, bah le slip kangourou, normalement, le vrai slip, si ton mec vraiment était. Non, Marion, la poche! Non, Marion, elle parle du slip à la Beckham, quoi. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Il est gaulé comme David Beckham, ton mec? Peut-être pas à ce point-là, mais il y a un petit quelque chose. Ah, d'accord. Oh. Mais pourquoi t'aimes le slip? Parce qu'on voit le dossier ou c'est... Bah ouais, on voit un peu le paquet, quoi. C'est un peu sexy, d'accord. Glandu? Non, le slip, je crois, revient très fort. Parce que le boxeur a beaucoup marché pendant longtemps. Et là, le slip revient fort avec on voit le fessier, le galbe, tout à fait. J'adore cette phrase. Ça revient très fort. On dirait une rubrique mode dans un magazine. Anka? Les caleçons, ça peut passer aussi. Mais votre problème, c'est que vous les gardez très longtemps. Genre des années. Avec des petits trous, des petits fils qui pendent. Mais oui, parce que le problème du caleçon, c'est que très vite, on se chope des caleçons porte-bonheur. Ouais. C'est ça. Ouais. Ils sont pas. Et le caleçon porte-bonheur, bah, tu le gardes des années et des années. Et l'élastique se détend, du coup, on voit vos fesses quand vous vous baissez. Puis c'est souvent les trucs à carreaux que vous avez achetés en pack de 3 parce que vous ne vouliez pas vous prendre la tête. Et il y a souvent des fails sur le caleçon. Est-ce que j'ai bien décrit votre vie en termes de sous-vêtements? J'avoue que tu m'as mis un coup de poignard dans le dos. Ouais. Ça fait mal. Hein. Là, j'avoue. Qu'est-ce que vous portez? Glandu, caleçon? Moi, je mets exclusivement des boxeurs. Ouais. Okay, boxeurs, Nico? Moi aussi, mais je dors en caleçon. Je propose un truc, on va se prendre en photo. nos sous-vêtements, on les met les photos sur notre page Facebook, vous devez deviner qui a quoi aujourd'hui. Ah génial, de dos, de face, parfait, on fait les deux, pile ou face. De dos, de face, ça va, c'est gênant. C'est bien. Non, de dos, Glandu? Par contre, moi j'ai un trou sous le caleçon, donc faudra faire attention. Oui, mais on va pas prendre la photo par en dessous, voilà, non plus. Ça. Non, le but, Glandu, n'est pas de voir ton anus. Manu dans le 6-9, rejoignez-nous aussi sur Instagram, @ManuDansLe69. Énergie. Quelques anniversaires, parce qu'on est le 30 août aujourd'hui. Ouais. C'est l'anniversaire de l'actrice Cameron Diaz. Oui. Vous voyez qui c'est? Ah, ouais. 44 ans. Elle est belle, ouais. elle est encore tellement ferme. Mais elle les fait pas, quoi, les 44 ans. Bah non, elle est musclée de partout, elle est très très belle. C'est aussi l'anniversaire de Geneviève de Fontenay, 84 ans. Ah. Bah, elle est charismatique. Ouais, c'est ça, elle est gentille. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle rentre dans une pièce, tu la reconnais, tu la regardes. Ça, tu peux pas dire, elle les fait pas. C'est clair. Parce que globalement, elle fait le double. Mais c'est non, mais c'est son âge. Comme bon, allez, 6h42, voici le Super 06. Manu dans le 6-9, le Super 06. 06-60. 26, 90, 50, le numéro qui va changer votre vie. Quelqu'un vous demande votre numéro de portable et vous n'avez pas envie de lui donner. À la place, n'hésitez pas, vous pouvez lui refiler le numéro du Super 06. Vous faites croire évidemment que c'est votre numéro. Et du coup, cette personne vous rappelle, laisse un message sur le répondeur. Et chaque matin, les meilleurs, on les écoute ensemble. On se régale, oui, le Super 06 est le retour cette saison. Pour démarrer, voici un homme qui est plutôt détendu. Bon, mais écoute Marina, tu veux pas me répondre, mais tant pis. Moi, je bois l'apéro. Rappelle-moi si t'as envie. Le mec est plutôt à la cool, hein. Oui, il boit l'apéro pendant longtemps, j'imagine, du coup. Ah bah là, du coup, s'il l'attend, oui, pendant très très longtemps. Pendant un ou deux mois, je pensais à prendre l'apéro. Maintenant, un mec a un tic de langage qui est un peu surprenant. Salut Véronique, c'est Denis, que j'ai rencontré hier soir. Bah écoute, je serai demain soir à la nuit de l'auberge, et puis je t'attends. Salut. J'adore. C'est étonnant, hein. Ouais. C'est quand il est mal à l'aise. C'est, bon. C'est Denis. Parce que Denis tout seul, ça suffisait pas déjà comme prénom un peu spécial. Il y a des SMS qui arrivent aussi sur le numéro du Super 06. Je viens de finir mon sport et j'ai spécialement travaillé ma souplesse. T'imagines même pas ce que j'arrive à faire. Oh, on veut peut-être pas imaginer. Non. Un autre, tu aimes les mecs directs, alors je vais être direct avec toi, viens te faire les chier. C'est bien, c'est cash, c'est direct. Oh, c'est pas assez direct encore. Manu dans le 6-9. Rejoignez-nous aussi sur Twitter @ManuDansLe69. Attention les amis, nous allons ouvrir un livre. Et pas n'importe quel livre. Mmh. Ce livre, je vais le prendre d'en bas. Oui, c'est plus qu'un livre. Ouais. C'est un grimoire. Allez. Mmh. Ah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Auriane? Tu me fais rire. Voilà, prenons le grimoire. Mais je vais prendre le grimoire. Musique du grimoire. Ce bruit, c'est le bruit du livre, et pas de n'importe quel livre. C'est le bruit du livre des lois de la vie. Oui. Ce livre qui m'a été donné par mon père, qui lui-même le récupérait de son père, qui lui-même l'a récupéré de son père, qui lui-même, etc., etc., jusqu'au truc de la préhistoire. D'accord. Ah oui, jusque-là. Dans ce livre, il y a les lois de la vie. Très bien. Je vais l'ouvrir à une page, je vais vous lire la loi de la vie, vous me dites si vous êtes d'accord avec cette loi de la vie, d'accord ? Ok. Ouais. Première page. Oui, à chaque fois qu'on ouvre une page du livre des lois de la vie, il y a la musique qui part avec. Ouais, voilà, vous voulez savoir. C'est comme les livres pour les enfants, vous savez, où il y a de la musique dans les pages. Très bien. Écoutez bien, voici la loi 207. L'homme paye l'addition à un premier rendez-vous. Êtes-vous d'accord avec cette loi de la vie, Auriane? Pas automatiquement. Ça m'est déjà arrivé de faire moitié-moitié de mon fait. En fait, tu peux partager ou la nana peut inviter, mais il faut que ce soit à l'initiative de la nana. Le mec doit faire toujours un peu semblant de se battre pour inviter, mais au final, si ça se finit pas comme ça, c'est pas grave. Ouais, mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est plutôt vous qui faites semblant de sortir la carte en disant « Allez, on va payer », et le mec fait « Non, non, non, c'est moi qui paye ». Non, parfois, je propose, je le pense vraiment, et à force d'insister, je réussis à payer l'addition, ça me dérange pas du tout pour le coup. Je t'ai jamais vu payer une addition. Hein. Bah, je t'ai jamais sorti en rancard en même temps, donc c'est peut-être un petit peu normal. Ouais, mais enfin, quand on va au restaurant, qu'on est 3-4. Ah non, parce qu'on est 4. J'ai compris, tu peux pas payer pour 4. Glandu ? Non, moi, je paye seulement s'il y a un possible retour sur investissement. Oh. Sinon, est-ce qu'on peut retenir cette phrase élégante de Glandu ? Une maxime de la vie, signée Glandu. S'il y a un retour sur investissement, comprenez, c'est-à-dire que c'est bon. Ouais. Moi, je veux bien te payer ta dorade, là, mais bon, il y a un moment. En gros, si la nana te laisse entendre qu'elle couchera avec toi automatiquement, tu sors ta carte bleue. S'il y a le moindre doute, tu fais moitié-moitié ? C'est ça, exactement. Voilà, bah toi, mais on avait tous compris, Auriane, hein, il y avait que toi. Non, parce que j'ai voulu vraiment l'entendre de sa bouche. Allez, je tourne la page. Loi 84 du grand livre des lois de la vie. On ne prête ou on n'emprunte jamais une brosse à dents à quelqu'un. Ah, oh. Vrai. On la signe, celle-là, elle est très bien. Alors là, je suis totalement d'accord, on ne prête pas sa brosse à dents, on la donne. Si quelqu'un me l'emprunte, je lui dis tiens, me la rends pas. Nico ? Je suis tout à fait d'accord et je le fais même après 9 ans avec ma copine. On est en couple depuis 9 ans, parfois elle me prend ma brosse à dents, je dis bah tu la gardes et je vais en acheter une autre. Exactement, c'est comme pour embrasser. Non, je t'embrasse pas. Glandu ? Moi je suis le seul que ça dérange pas. Si je suis proche de la personne, franchement ça me dérange pas. Hein. Sauf si la brosse à dents est vraiment dans l'aspect réunion. Mais tu sais quoi, sinon, ça commence par la brosse à dents, ensuite c'est le déo en boule là. Oh bah si, ça tu peux, par non. Mais autant... non. Ah mais bien sûr que si. Non, la brosse à dents, je crois que c'est le seul truc que je prête pas. Je peux prêter ma fourchette, partager une sucette, partager même un chewing-gum, mais la brosse à dents, c'est hors de question. Oh, un chewing-gum. Non mais il faut que je le connaisse, je vais pas voir un mec dans la rue qui mâche un chewing-gum et lui prendre directement dans la bouche. Mais que c'est une amie. Excusez-moi, mais le chewing-gum que tu partages, que tu connaisses la personne ou que tu la connaisses pas, c'est ses bactéries, c'est pas les miennes. C'est pas des bactéries dans les dents, ça n'a rien à voir. Mais le chewing-gum, tu le mets pas entre les dents, Nico ? À quel moment tu demandes à quelqu'un est-ce que tu peux me passer ton chewing-gum ? Tu demandes un chewing-gum. Tu sais quoi, parce que Auriane, elle est paradine, elle est au-delà de Radine. C'est ça. C'est non, je vais pas acheter un chewing-gum, donne-moi encore le tien et je vais goûter un peu du goût gratuit. Chewing-gum. Allez, refermons le grand livre des lois de la vie. La prochaine fois qu'on le fera, qu'on l'ouvrira, faudrait prendre une musique un peu plus longue. Manu dans le 6-9. On va parler de Secret Story. Ouais. Secret Story fête ses 10 ans. Ouais. Ah ouais, déjà ? Déjà 10 ans. Oh putain, on est vieux. Déjà 10 ans de Secret Story, on est toujours incapable de citer les 5 prénoms de gens qui ont... Oh, quand même. IM, Amélie... 1, 2... Et voilà. IM et Amélie. Alors écoutez bien, j'ai une liste de phrases totalement improbables qui ont été prononcées par des candidats de l'émission, toutes saisons confondues depuis 10 ans. Ok. Il y a du très lourd. Bien, ouais. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des limaces. Merde. Un autre, je suis têtu comme une moule. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mes cheveux, j'aimerais qu'ils soient tout raides comme ceux des oiseaux. Oh là là. Mais c'est absolument génial ça. Encore, c'est utile les agriculteurs, c'est avec leur lait qu'on fait le pain. Je la répète, C'est utile, les agriculteurs, c'est avec leur lait qu'on fait le pain. Ce sont de vrais candidats de Secret Story qui ont dit cette phrase. C'est fait exprès pour faire marrer, c'est pas possible. Tu peux pas sortir un truc pareil. Non, tu regardes pas assez Secret Story, hein, ils ne le font pas exprès. Encore, c'est dur d'être filmé 7 jours sur 24. Un autre, les oreilles ont des murs. Magique. Voilà, parfaite celle-là. Allez, encore deux petits derniers. J'ai l'impression que tout le monde veut me faire porter le cartable. Le chapeau, c'est pas le cartable. Génial. Et enfin, un petit dernier, j'en mettrai ma main à couper au feu. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com pour vous inscrire. Ça prend quelques secondes et je vous le rappelle, c'est totalement gratuit. C'est important, quand vous vous inscrivez pour le salaire, c'est gratuit. Ouais. Il n'y a pas de numéro surtaxé, il n'y a pas d'embrouille. Attention, je vais appeler Charles. Il habite la Jarry, c'est en Charente-Maritime, il a 22 ans. Et il touche chaque mois 1380 euros. Charles, je t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. J'espère que t'es réveillé, Charles. Allô ? Allô, Charles ? Oui ? De la Jarry en Charente-Maritime ? Oui, c'est ça. Ça va ? Ça va ? Ouais. Je te sens stressé, Charles. Non, non, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a t'as trompé ta meuf? C'est pas la question. Non. Me dis non, pas non. Oui, parce que ça foutrait une sorte de malaise. Charles, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu, c'est Énergie. Oui. Oh, putain, j'en reviens pas. Ah, j'en reviens pas. Bah, reviens-en. Tu t'es inscrit? Merci. Hein. Tu t'es inscrit? Ouais. Ouais, c'est ça. T'as été sur énergie.fr, t'as rentré tes coordonnées, t'as dit que t'aimerais avoir ton salaire doublé. Et ben voilà, y a pas de surprise. Ça. T'as été tiré au sort, Charles. J'en reviens pas. Chaque mois, merci, tu touches. D'énergie. Et ben je t'en prie, chaque mois tu touches 1380 euros, je vais le doubler ce salaire. Tu vas toucher 2760 euros. Oh la vache, j'en reviens pas. Oh, c'est énorme. Une question, est-ce que t'en reviens? pas trop, non. Tu es boulanger-pâtissier. C'est ça. Ça. J'ai une question, tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Ah. Aïe. On dit chocolatine en Charente-Maritime. Ah. Putain, ce débat est éternel. Ouais. C'est quoi? Ah, il y a deux grands mystères dans la vie. Non, il y en a trois. C'est ça, ouais. Un, y a-t-il une vie après la mort? Deux, Dieu existe-t-il? Et trois, est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Bah, c'est une question de région, hein. Franchement, me répondez pas pour ça, Dieu. Ouais. Dites-moi juste pour le pain au chocolat. Toi, tu dis chocolatine. Voilà, nous en Charente-Maritime, c'est chocolatine. Ah, je suis désolé d'apprendre ce matin qu'en Charente-Maritime, vous vous trompez. Nico Newell. Non, mais c'est vrai que c'est que dans une région. Sur le papier, au niveau de l'étymologie du mot, je suis d'accord. Pain au chocolat, c'est du pain où tu mets du chocolat dedans, normalement. Et chocolatine, c'est différent. Alors, excuse-moi, mais à ce moment-là, quand on dit chausson aux pommes, il faudrait que ce soit un vrai chausson, qu'on mette des pommes dedans et qu'on bouffe. Toi, il y a un moment, non. Charles, je te loupe ton salaire. 2760 euros, ça arrive très vite. Bravo à toi. Ah, merci à vous, hein. Merci l'équipe. Hein. Eh ben merci à toi. Et je suis super content. Eh ben tu peux, bravo à toi et merci d'être là chaque matin avec nous, même si tu te trompes en disant chocolatine. Manu, dans 6-9 sur Énergie. J'aimerais que vous m'appeliez. Si vous pouvez changer votre prénom si ça vous gêne, vous pouvez le faire de façon anonyme. J'aimerais que vous me racontiez vos casseroles de coucherie. On en a tous. Ouais. C'est arrivé à tout le monde. On se retrouve voilà, avec quelqu'un, on n'avait pas prévu, c'est peut-être pas la meilleure personne avec laquelle on aurait dû le faire, etc. etc. On en a tous, j'aimerais que vous me racontiez les vôtres. Pourquoi ? Parce que Oriane, elle en a eu une cet été et j'aimerais que tu la racontes. Et si tu veux pas la raconter, c'est moi qui la raconterai. Non, c'est pour ça que je comprenais pas tout de suite que ça me concernait. C'est pas une casserole de coucherie, c'est une casserole de roulage de pelle déjà. Donc mettons les choses. Mais c'est une casserole. Je suis presque déçu. Raconte ta casserole. J'ai fait des bisous à un mec et ce mec avait 19 ans. Rappelons que t'as 28. J'ai 29. Oh, ouch. Voilà. Ouch. Pardon. Non, en plus, je vais être tout à fait honnête, il avait pas 19 ans, il avait 18 ans et demi parce qu'il me dit je vais avoir 19 ans. Ah ouais. Ouch. Voilà. C'est, évidemment, je ne le savais pas avant. On s'est roulé des pelles toute la soirée en boîte. J'étais ouais, bah, dans... ça va. Jean-Luc Lahaye, il a dit la même chose. Hein. Non. Non, mais ne compare pas, quelle horreur. Non, allez, bon. Si je vous raconte, vous êtes cool. D'accord, bah, tu vois. On se roule des pelles, j'étais un peu. Mais dans c'était un état... une soirée, c'était en boîte. C'était en boîte. Et tu vois pas qu'il était beaucoup plus jeune que toi. Je le trouvais très bien entre autres. Non mais j'étais dans un état un peu plus... Non mais attends, t'as le droit, le mec 18 ans et demi, t'en non, as non mais il avait un peu de barbe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il avait de l'eau de colonne, j'étais un peu pompette, je me suis pas rendu compte. Et après une copine est allée lui parler pendant que j'étais aux toilettes, et il lui a dit qu'il allait avoir 19 ans. Et du coup mes copines se foutent de ma gueule depuis. elle se... c'est ma casserole, c'est ma casserole à moi. Ça fait quoi de savoir que t'es une cougar maintenant? Mais, mais on m'appelle la cougar maintenant. Et alors, il embrassait très bien, hein. C'est plutôt sympa, les mecs de 18 ans et demi, écoutez. Et du coup, ça t'a refroidi, t'as pas allé plus loin. Mais jamais de la vie, non, ça va, je l'ai appris et je suis rentrée chez moi. Mais attends, mais dans l'absolu, 10 ans d'écart, c'est pas c'est mais pas en énorme, fait, hein. 10 ans d'écart, s'il avait eu 28 ans et moi 38 ans, ça aurait pas été un problème. Mais le gars vient de passer le bac, en fait, dans l'idée. Tu lui as demandé s'il avait où ou s'il avait loupé? Non, j'ai pas demandé. Il t'a demandé d'aller le chercher à la sortie 8. Non, mais je reprécise, il avait 18 ans et demi. Hein. D'accord, Nico? Lui, ça devait être tellement un champion, c'est auprès de ses potes. Ah ouais. Mais attends, il a dû prendre des photos. Hein. Mais ouais. Des photos. Il doit en parler encore. Hein. Ah ouais. Regarde ma cougar. C'est quoi? Ce qui est drôle, c'est que pour toi, c'est ta casserole de l'été. Ouais. Pour lui, c'est la médaille d'or. C'est ça. Oh, bichon, quoi. C'est génial. Quelle a été votre casserole de bisous, de coucherie? 0-870-42-48, vous pouvez m'appeler. Glandu? Moi, une soirée déguisée, en fait, je suis sorti avec une fille qui avait un masque de Catwoman. Et au bout d'une heure environ, elle l'a enlevé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était loin d'être la plus belle fille que j'avais embrassée. Elle était vraiment pas Jojo, quoi. Mais en même temps, elle avait un masque. Donc j'ai une excuse. Oui, mais ça, tu prends des risques aussi. Oui, j'aime vivre dangereusement, Manu. Quand tu embrasses une nana qui a un masque, il faut garder le masque jusqu'au lendemain matin. Non, mais. Ouais. Mais gardons cette phrase, elle est tellement élégante. Ça marche pour les mecs aussi. Hein. Ouais. Tu sais, ça se trouve, Catwoman, t'étais son masque de la soirée et elle en parle à des copines comme si tu étais une casserole. Hein. Mais c'est vrai parce que j'étais masqué aussi. Donc je ça se trouve, pas elle dire, était hein. très déçue. Oh, c'est aussi. Drôle ça. Ouais. Et au moment d'enlever les masques, il y a eu des cris. C'est quoi? C'est rien, c'est les cons, ils ont enlevé leur masque. Ils le savaient pourtant que c'était la soirée. Le thème c'était les moches masqués. Manu dans le 6-9 sur Énergie. On a tous des casseroles de coucherie. Oriane nous a raconté que cet été, oui, alors qu'elle a 29 ans, elle a embrassé un homme de 18 ans et demi. Je l'ai su après, mais effectivement, on s'est roulé des pelles pendant un très long moment avant que je découvre la supercherie. Écoute, garde ta défense pour le juge. Non, j'étais majeure, je précise, je veux pas d'emmerde. Quelles ont été vos casseroles de coucherie? Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé? Ouais, c'est arrivé à tout le monde. Je vais vous en raconter une après. Elle est plutôt pas mal. Y a Thibaut qui est là au téléphone. Bonjour Thibaut. Salut Manu. Bienvenue parmi nous Thibaut, on t'écoute. Donc j'avais 19 ans, je m'ai sorti en boîte avec des amis, j'ai rencontré une nana de 40 ans, et le soir on est rentré chez elle, et quand je me suis levé le matin, j'ai déjeuné avec ses 5 enfants. Oh merde. Oh. Mais et ses 5 enfants, ils avaient quel âge? Le même âge que toi? Ouais, c'est ça. Il y en avait une, avait 16, ouais à peu près, ouais. Ah, la scène de film quoi. Oh, t'imagines? Ah, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'eux ils arrivent et disent tiens on a un demi-frère. Non je sors avec ta mère. t'étais pas au courant? Tu savais pas qu'elle avait des enfants? Ah non. Non, je suis qu'après, t'es divorcé et 5 enfants quoi. Ah ouais. Oh la vache. Ils sont cool les gamins de prendre le petit déj le matin avec tous les plans cul de leur maman quand même. Bah oui, dit, bah tiens, toi t'es celui du mardi. Moi j'étais celui du dimanche matin. Moi. Et tu l'as revu après ou ça c'est... Ah non, ça s'est arrêté là. Non, maintenant je sors avec sa fille. Merci de m'avoir appelé Thibaut, je te souhaite une belle journée. Nico du web. Moi, j'ai une casserole moi qui m'est arrivée en terminale, juste avant que je rencontre ma copine actuelle. J'étais en boîte avec des potes, en fait j'ai roulé des pelles pendant pas mal de temps quand même dans la soirée à une fille, et qui était en fait un homme. Quoi? Tu nous dis ça comme c'était, ça? Bah oui, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Bah non, et tu t'en es pas perçu? Bah pas tout de suite du coup, je m'en suis bien trop tard. Non mais attends, t'as roulé des pelles à un mec qui était tout simplement un mec comme Manu et que t'étais tellement Yves, tu t'en es pas rendu compte ou c'était un truc? Non, ça fait partie de ces hommes qui se déguisent en femmes et où ça rend hyper bien. Et tu t'en as aperçu quand même pas trop tard. Moi j'ai un pote qui s'en a aperçu trop tard. Non. Et il allait coucher avec? Il allait quoi? Après les préliminaires, on va dire, il s'en a aperçu. Oh, bon, fou. Aïe. Et c'est quoi? Il m'a dit. Eh ben c'était pas mal. Bah voilà, tu sais quoi, tu coches une case, done. Tu l'as fait dans ta liste, des trucs à faire dans ta vie. Quoi. Check. Ça marche. En casserole de coucherie, j'en ai tellement. Non, c'est pas vraiment une casserole, la coucherie, c'est c'est l'après en fait. Ouais. Je faisais une émission de radio qui était en public à l'époque. Mmh. J'ai rencontré une nana qui était dans le public. Mmh. Facile, ouais. Évidemment. Ouais. Ouais. Pour nous les moches, faut aller, hein. Non. Et donc voilà, machin, on sort, tac tac tac tac tac, ça avance, machin, bim, on couche et vraiment, je suis nul. Oui. Ouais. Enfin oui, genre c'est logique. Genre nul. Non bah genre nul. Rapide ou t'y arrives pas? On commence. Ah bah moi j'ai terminé. Oh. Ah oui. Oh. Manu, merde. Machin. Ah oui bah oui merde, t'es marrant toi aussi. Bon ça arrive. Ça arrive trop souvent. et donc voilà, on se quitte. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que elle revient ensuite dans le public à l'émission. Mmh. Oh là. Malaise. Et je la vois. Et pendant toute l'émission, je me suis dit, j'imaginais, parce que je suis un mec de j'imagine toujours le pire. Et pendant toute l'émission, j'imaginais qu'à un moment, elle se lève du public et qu'elle passe « J'ai un truc à dire !» Elle ne l'a pas fait. Ouais. Mais j'ai passé mes 3 heures d'émission tétanisée en me disant « Elle va se lever, elle va se lever. » Et j'ai regardé tout le temps, j'ai regardé, elle me souriait moyen. Je me suis dit « Putain, c'est pas possible. » Tu sais que ça arrive à plein de mecs hein, d'être rapide comme ça. Et ben, bah, on fait avec. Et puis, vous avez des très belles vies à côté. C'est pas qu'on est rapide, c'est toi qui es trop lente. Manu, dans le 6-9, énergie. Je vais vous dire comment paraître plus intelligent aux yeux des autres. Dis-nous. Une nouvelle étude de l'université de Saint Andrews aux États-Unis. Rien que ça, ça. C'est classe. Ouais, ça fait classe. On impose. Cette étude a constaté que les gens paraissaient plus intelligents quand leurs yeux étaient plus ouverts et la bouche légèrement incurvée dans un sourire subtil. Les yeux ouverts et la bouche légèrement incurvée dans un sourire subtil. Alors, j'essaye de... Auriane est en train de l'essayer. Alors là, en revanche, tu sais quoi ? Là, ce que tu viens de faire, si on te connaît pas, on dit « Oh, la pauvre, elle est coincée du visage. » Non, mais c'est vrai que ça peut faire un peu grosse psychopathe d'avoir les yeux très ouverts comme ça avec un sourire en coin. Eh bien, je pense qu'il faut réussir à le faire. Les yeux ouverts, la bouche légèrement incurvée dans un sourire subtil. Mais oui, j'y arrive un peu sûr de soi, comme Vas-y. Ça. Glandu ? Ouais. T'es pas futé, ça ne marche pas. Mais si. On dirait que Glandu joue dans une pub pour un dentifrice. Oui, mais un dentifrice pourri. Écoutez quoi, on va essayer de le faire et, ouais. On va se prendre en photo, on va le faire. Si vous voulez essayer de votre côté, vous pouvez vous prendre en photo, on va mettre un post sur Facebook et on va tous essayer ensemble. Je vous rappelle le truc, les gens paraissent plus intelligents quand leurs yeux sont plus ouverts et la bouche légèrement incurvée dans un sourire subtil. Allez. Allez. Bonne chance à vous. On le fait, on met un post sur Facebook et tout le monde essaye. Ok. Je pense que c'est un échec total. Manu dans le 6-9. J'ai le concon du jour. Oui. C'est un concon de compétition, c'est même peut-être lui qui a inventé le mot concon. D'accord. Écoutez bien, ça passe en Haute-Loire, c'est en France. Un homme rentre dans un décathlon et décide de voler des habits. Des habits pour femmes. Son idée, pour pas se faire choper, enfiler les 12 t-shirts sur lui, ainsi que les 12 leggings, oui, les uns sur les autres. C'est discret, effectivement. Échec total, évidemment, puisque quand tu mets 12 t-shirts, ton corps n'a plus de forme, donc t'attires l'attention. Du coup, il se fait choper, il commence à se faire courser. Il se dit, je vais pas abandonner, je vais essayer de leur échapper. Ouais. Évidemment, il est trop lourd, nouvel échec. Du coup, il est obligé d'enlever les t-shirts, il se retrouve, en fait, à la fin, à courir totalement nu. Il est parti du décathlon, il est parti du parking, il commence à courir dans la campagne, les mecs sont toujours en train de le courser, je vous rappelle que le mec est nu. Nouvelle bonne idée du mec, il se dit, je vais me cacher, où ça ? Dans un énorme buisson. Il arrive, il plonge dans le buisson pour se cacher, encore un échec, c'était des orties. Oh ! Mais qu'il est con ! Il a été arrêté, il est en prison. Dans cette histoire, il n'y a rien qui ne soit pas merdique. Jusqu'au bout. C'était notre concon du jour. Allez, 7h41, voici le Super 06. Manu dans le 6-9, le Super 06. 06 60 26 90 50. Le numéro qui va changer votre vie. Il est de retour cette année encore pour cette nouvelle saison. Oui, le Super 06 va encore vous aider, va encore vous sauver la vie. Je vous rappelle le principe, c'est simple. Quelqu'un vous demande votre numéro, vous ne voulez pas lui donner, et bien à la place, vous pouvez lui refiler le numéro du Super 06 en faisant croire que c'est votre numéro. Du coup, cette personne, vous vous en débarrassez. Et ensuite, elle vous rappelle et elle laisse un message qui arrive évidemment sur notre répondeur. Et tous les matins, ces messages, on les écoute ensemble. Celui-là, pour démarrer, il est très étrange. Écoutez bien. Excusez-moi, je crois que c'est une erreur. Je vous embrasse bien fort. Bon, tout ça pour ça ? Alors, je sais pas si le mec dit la vérité ou pas, mais si il dit la vérité, vraiment que c'est une erreur, à quel moment, quand tu fais une erreur, tu finis comme ça ? Ouais. Je vous embrasse bien fort. Bah, jamais, oui. Non. C'est bizarre. Ouais. Voici maintenant un homme détendu. Bon, mais écoute, Marina, tu veux pas me répondre, mais tant pis. Moi, je bois l'apéro. Rappelle-moi si t'as envie. Oh, la tristesse. Ah, le mec est cool, quoi. Il y a peut-être une nana qui va venir. Puis si elle vient pas, c'est pas grave, je picole. Tant pis. On est bien. Il y a des SMS qui arrivent aussi sur le numéro du Super 06. Merci pour ton numéro. Ça va être plus simple de discuter par SMS. Tu sais, les kilomètres ne me font pas peur si je peux coucher. Il dérape à la fin. C'est génial. C'est génial. Un autre. Alors, que penses-tu de mon CV ? Âge 30 ans, taille 1m86, poids 90 kg, qualité, humour, autodérision, imaginatif, entreprenant. Ouf. Défaut, dominant, sauvage, excès de libido. Il dit tout. C'est magnifique. Des purs chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à balancer le Super 06 partout. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. On a Mélissa qui est avec nous au téléphone. Bonjour Mélissa. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Salut Mélissa. Salut. Et bienvenue ce matin sur Énergie. Mélissa, tu es là parce que tu veux tenter de gagner un beau cadeau en jouant au jeu Les 5 mots, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. On a des beaux cadeaux, tu choisiras le cadeau de ton choix Mélissa. Mais attention, pour ça, il faut gagner au jeu des 5 mots. Tu ne seras pas seule pour gagner, non. Tu vas jouer avec quelqu'un de l'équipe qui va tout faire pour te faire gagner. D'accord. Nico du Web. Allez, cool. Attention, allez. Nico du Web va sortir du studio maintenant. Tranquillement, hop, en pas chassé, très joli. Ouais. Attention, voilà. Il est sorti, il est dans le couloir, à partir de maintenant, il n'entend plus ce qui se passe dans le studio, il n'entend plus ce qui se passe à l'antenne. Mélissa, d'accord, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu vas me donner le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Nico du Web, je fais exactement pareil avec lui. Et si vous avez juste au moins un mot en commun, c'est gagné, d'accord? D'accord. Bonne chance à toi Mélissa, je te sens un petit peu stressée. Un petit peu, oui. Y a pas de quoi, la France t'écoute et c'est ta seule chance de gagner, bonne chance à toi. Merci. Mélissa, attention, c'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Épluchure. Clémentine. Bol. Déjeuner. Bleu. Comment? Bleu. Couleur. Poil. Pubien. Bâton. Battre. On s'arrête 2 secondes sur le poil pubien ou... Bon, c'est, ça existe, hein, ça a le mérite d'être dit. C'est le poil pubien est important, bien sûr. Bah oui. Nico du Web va rentrer. Attention, un mot en commun, Mélissa, et c'est gagné. Oui. Attention, Nico est de retour. Ouais. T'es prêt? C'était comment? Normal. Ni mauvais ni incroyable, normal. Ni mauvais ni incroyable, j'attends vite le quatrième mot. D'accord. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Épluchure. Légumes. Et Mélissa avait dit clémentine. Ah ouais. Bol. Céréales. Pas loin, mais Mélissa avait dit déjeuner. Ah ouais, ouais. Il reste 3 mots. Bleu. Rouge. Oh ouais, Mélissa avait dit couleur. Ouais, ouais. On n'est pas connecté là. On arrive au 4e mot. Allez. Poil. Cheveux. Non. Mais non, c'était pubien. Oh putain, j'ai failli le dire. Ouais. C'est vrai? Attention, pour Mélissa, s'il te plaît, il reste 1 mot. Ouais. Oui. Bâton. Bois. Non, non, pardon, mais... je suis mort. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Excuse-moi, pardon. C'est mal. Je suis désolé, Mélissa avait dit battre. Ah oui. Oh non. Ah bah je suis désolé. Le sourire qu'il a eu, Nico. Bah oui. Oui, bah pardon, bah excuse-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oh, je suis désolé. Mélissa, il n'y a pas eu de mot en commun avec Nico du Web. Bon bah c'est pas grave, merci beaucoup en tout cas. Je suis désolé Mélissa, je t'embrasse très fort. Non mais c'est pas grave. Je vous embrasse aussi. Bisous, on est presque plus désolé qu'elle en fait. Ah bah oui, j'y ai cru en plus. Gros bisous Mélissa, je te souhaite une belle bisous. Journée. Merci. De rien. Enfin merci. Oui, il n'y a pas de cadeau quand même, c'est dommage. Je suis désolé, Nico. J'ai... Non, non, mais ça fait du mal à mon petit cœur. Ah, mais j'ai... Sueur. Pour le coup, j'aurais pas voulu que ça m'arrive. Je m'en veux. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire. C'est totalement gratuit, je le rappelle. Tous les jours, je vous appelle pour doubler votre salaire. Laura habite le Lude, c'est dans la Sarthe. Elle a 24 ans et elle touche chaque mois 1560 euros. Laura. Je t'appelle maintenant parce que oui, je veux doubler ton salaire. Attention. Le Lude dans la Sarthe écoute Énergie. Oui. Allô Laura. Oui. Laura de Le Lude. Oui. Le Lude dans la Sarthe. Oui. Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, tu te doutes? Un petit peu. En tout cas, je croise les doigts. Tu te doutes? Tu sais que je sais? Et toi, tu sais que je sais? Moi, je sais que tu sais que je sais. Je sais que tu sais que je sais que tu sais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Laura? C'est Mélissa! C'est ça! Yes. Alors, soit t'es heureuse, soit ton mec vient de rentrer. Oh, j'y crois pas. Oh, merci. Mille fois merci infiniment. Oh là là. Tout va bien, Laura. Respire, Laura. Ça va. T'avais déjà pris autant de plaisir dans ta vie? Peut-être pas aussi intensément, là, j'avoue. La vache. Ça, c'est du gros compliment. Ah bah là, je vous annonce qu'on a le meilleur coup de la Terre. Hein. en tout cas, de l'Elude. Laura, tu touches chaque mois 1560 euros. Je vais doubler ton salaire. 3120 euros. Oh là là là là là là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous vous rendez pas compte du coup de pouce que vous me donnez. Enfin, c'est énorme. Merci infiniment. Ce cri-là avec juste un coup de pouce. C'est rigolo, le pouce. Oh, c'est un peu rigolo, quoi. Ouais, ouais. C'est marrant, c'est ça. Alors, Laura, tu es claire formaliste. C'est ton métier, claire formaliste. Oui. Alors, oui, je ne sais aucune idée de ce que ça veut dire, claire formaliste. Non. Je travaille chez un notaire. Je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire après la signature de l'acte. Quand vous achetez une maison ou un appart, vous allez signer un acte chez un notaire. Laura, on va dire qu'on a compris. Elle explique son métier, elle est contente. Laura, bravo à toi, 3120 euros, je t'embrasse très fort. Oh, merci à tous, merci infiniment, vous êtes top. Et bah toi aussi t'es top, merci d'être là chaque matin avec nous, gros bisous. Manu dans le 6-9, Énergie. On va se faire un pour ou contre dans quelques minutes. Cool. Premier pour ou contre de la saison, si vous voulez venir avec nous, et bah vous pouvez nous appeler, tout simplement, 0-870-42-48. Le principe c'est simple, on dit des choses et on dit si on est pour ou contre. Très bien. Ok. C'est ce qu'on appelle du gros débat, tout simplement. Ah, je le dis tout le temps, la France avance les amis, mais apparemment sans nous. Voilà. On va écouter Willy Williams. Ça arrive dans 3 minutes. Avant ça, quelques infos. Alors, il y a un truc qui va se passer en Italie très très bientôt, puisque c'est le 3 et 4 septembre, c'est dans même pas une semaine. Écoutez bien, ce sont les championnats du monde de cache-cache. Non. Ah ouais, c'est pas génial, il y a vraiment un championnat du monde de cache-cache. Et il y a un gagnant, et c'est une vraie compétition, et c'est pris très au sérieux, et tu te caches derrière des buissons comme ça. Exactement. Après, le truc, c'est comment. Le gagnant, en gros, c'est celui qui meurt de faim, en fait, dans sa cachette. Comment tu veux définir le gagnant de cache-cache? Je ne sais pas, mais je trouve le concept de se dire championnat du monde de cache-cache super drôle. C'est hyper drôle. J'attends de voir des vidéos. Mais c'est bien quand t'es nul en sport, tu te dis mais je vais être champion de quelque chose, cache-cache, saute-mouton, des trucs comme ça quoi. T'as ça ou la pétanque quand t'es nul en sport. Autre chose. Ah, vous voyez qui est Lucie? Oui, le squelette. La plus vieille femme préhistorique du monde. Eh alors, c'est Glandu, alors il sait des choses. Et le futé. Il en sait quelques-unes. Eh, Glandu le futé. Lucie, c'est la première femme de l'humanité, d'après les chercheurs, il y a près de 4 millions d'années. Et alors, elle est de nouveau dans l'actu, écoutez bien, parce que d'après une étude scientifique, on sait comment Lucie est morte. Ah bon? Ouais. C'est ce qui est assez dingue. Hein. Bah oui. Écoutez bien, apparemment, en tombant d'un arbre de 12 mètres de haut, et elle aurait même étendu les bras pour amortir sa chute. Et comment ils peuvent définir de quelque chose comme ça? Je sais pas, mais moi ce qui me choque le plus truc, c'est qu'elle est un peu con Lucie quand même. Tu sautes, tu tombes de 12 mètres, t'écartes les bras, ça amortit rien, tu te prends juste le sol dans la gueule. Ouais. Donc excusez-moi, je suis pas archéologue, mais non, Lucie était peut-être la plus vieille, c'était surtout la plus coconne. Merci de corriger ça dans les livres d'histoire. Je suis à deux doigts de le changer dans Wikipédia, bon bah bon. Manu dans le 6-9. Bon, on va se faire un pour ou contre, c'est le premier pour ou contre de la saison, il revient le pour ou contre, et on a Ludivine qui est avec nous au téléphone. Bonjour Ludivine. Coucou Manu, coucou l'équipe. Salut. Bienvenue parmi nous Ludivine. Le pour ou contre, c'est un principe tout con, c'est un principe tout simple. On dit des choses et on dit si on est pour ou contre. Attention, okay. J'en ai un bon pour commencer. Ouais. Allez. Ouais. Pour ou contre les gens qui se curent les dents avec un cure-dent à la fin du repas? Contre, forcément, non? Contre. Ouais. Ok, tout le monde est contre. Glandu aussi? Ouais, moi je suis contre aussi. Et alors pourquoi les gens le font si tout le monde est contre? Et je ne sais pas, mais parce qu'ils le font surtout hyper décontracté. Oui. Même si c'était pas dégoûtant, et parfois ils prennent même le coin d'un set de table en papier dans certains restaurants pour s'en faire un cure-dent. Il y en a même qui prennent le couteau. C'est mon père, il le fait le couteau. Ton père, il le fait? Au resto, j'ai tellement honte quand il fait ça. Et il demande l'addition en se curant les dents au serveur. C'est un bon sujet ça. On va le faire demain. À quel moment vos parents vous font honte? Oh putain, j'ai une liste. J'en ai plein. Se curer les dents avec un couteau, quoi, merde. Je note. Ah non, et quand il veut poignarder quelqu'un, il prend un cure-dent. pour ou contre. Comment, Ludivine? C'est pour les vampires, ça, les cure-dents. C'est un pieu ? Oui, c'est comme un pieu. Ah ouais ? Ah d'accord, ok, très bien. Oh, j'avais pas compris. Elle aime les vampires, elle aime les vampires. Pour ou contre, les sacs bananes. Pour ou contre, les sacs bananes. Oh, Nico du Web hésite. C'est vrai, c'est que je suis contre sur le côté look parce que c'est mal, mais il y a non mais parce que Dieu est contre. C'est ça. Je pense que c'est pas lui qui les a créés, mais à un moment donné, c'est quand même ultra pratique. Ouais. On va pas se mentir, nous on est des mecs, plutôt que d'avoir le truc dans une poche, machin, les clés, les trucs. Moi, j'ai ma copine donc je peux dire tiens, je peux mettre ça dans ton sac, c'est cool, mais quand elle est pas là, bah je galère quoi. Oriane ? Je suis redevenue pour. Alors, pour deux raisons. C'est redevenu à la mode, je l'ai lu, donc pourquoi pas. Et si tu la mets un peu sur le côté, ça te cache les poignées d'amour. Oui, mais c'est que d'un côté. Ouais, alors oui. Hey, dis-moi, t'es gros de droite. Non, mais pour les nanas un peu complexées comme moi, c'est très bien. De droite. D'accord, ok, c'est très bien. Ça t'enlève un côté. Alors après, il y a ceux qui ont un sac banane, mais qui en ont honte, ils le mettent genre à l'épaule. Ah, mais c'est pire, ça. Non. Ah, ouais, parce que ça se voit que t'as honte de ton sac banane. Ludivine, est-ce que t'as un pour ou contre à proposer ? Bah ouais, j'ai un pour ou contre. Alors, est-ce que pour le pop-corn salé ? Pour ou contre le popcorn salé ? J'en prends jamais. Ouais. Je prends que du sucré, non. Moi. Moi aussi. Oriane ? Moi, je suis contre le popcorn, donc je vais pas vous servir à grand-chose. Comment tu peux être contre le popcorn ? J'en parle peu, mais je déteste ça. Mais pourquoi ? Ça m'intéresse pas, je trouve que c'est grossir pour rien. Je préfère me prendre à la limite des M&M's. T'aimes pas le popcorn ? Oh, putain. Glandu, Nico. Ouais. Allez dans la forêt, ramenez le petit bois. Okay, on va brûler la sorcière. Oh non. Ludivine, pourquoi tu lui demandais ça ? Parce que toi-même, t'es pour ou contre ? Ah bah moi je suis pour, attends, le popcorn salé c'est trop bon quoi. Tu vas au cinéma avec ton petit popcorn. Mais oui mais c'est salé quoi, ça, même ça, toi, non. Tu te fais pas grossir. Mais non mais ça bah, sauf que, attends, le popcorn salé c'est ça fait aussi grossir que le sucré hein. Nico ? Moi je suis pour le salé parce qu'à l'apéro c'est, j'en fais souvent, c'est genre le truc qui te coûte pas très cher et tu peux faire un gros saladier. Ah oui mais là on parle entre amis radins. D'accord. Oui ça marche, ça fait genre beaucoup oui. Voilà. C'est comme les salades au restaurant, c'est salade du chef et en fait t'as 8 cm de salade avec il t'annonce un poulet suprême, t'as un pauvre truc de poulet au-dessus et derrière t'as que de la salade. Ok, ça marche. J'ai un pour ou contre ? Oui, Oriane ? Pokémon Go, pour et contre ? Moi, je suis contre. Allez. Merci, bah moi je suis pour, j'ai gagné. Ce sont bien nos débats. Mais d'où t'es contre Pokémon Go ? Parce que bah, d'une part, bon, je n'y joue pas et je suis entourée de potes qui y jouent depuis cet été et c'est impossible d'avoir une conversation avec vous quand vous êtes dans la rue en train de lever votre portable un peu partout pour voir où ils sont. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous qui jouez au Pokémon Go et qui allez rentrer au lycée ou au collège. Ça, dans plusieurs endroits, ils ont retiré les Pokémon pour ne pas qu'en fait les gens extérieurs au lycée et au collège rentrent pour aller choper des Pokémon rares dans les couloirs. Bah c'est très bien, c'est pas une mauvaise nouvelle. Attends. Bah non, j'appelle pas ça la démocratie, j'appelle ça la dictature. Ludivine, je t'embrasse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais, bah moi aussi, merci pour tout, bonne journée à tout le monde, continuez comme ça. Bisous, et bah Ludivine. Toi aussi continue comme ça, même si t'aimes pas le popcorn salé, je te respecte. Dans le 6-9, Énergie. Ce mardi on le démarre tous ensemble, on est là depuis 6h, on a encore une heure à passer ensemble, cool. Une heure pour se faire du bien, une heure pour s'envoyer du positif dans la face, une heure pour se donner du bonheur, tout simplement. On est là avec vous, on est de retour de vacances, on est chaud bouillant, on est content. Je suis comme quand on part en colo. Ouais. Et ben je suis comme ça, je suis tout excité. Je ne suis pas seul évidemment, les ouin-ouin du matin sont avec moi. Il y a Oriane. Bonjour, pardon, il y a un truc qui me perturbe dans ton visage. Et si je ne te le dis pas, ça va me stresser. Alors attends, je présente juste tout le monde avant. D'accord, ouais, bah si tu veux. Ça a l'air de... Cet esprit de solidarité d'Oriane m'ébranlera toujours. Il y a Nico du Web qui est là aussi. Et ben salut. Glandu est là aussi. Merci Manu de nous présenter quand même. Qu'est-ce qui te perturbe, Oriane ? Ne le prends pas mal. Hein. Quoi ? Dans ta barbe, t'as un gros poil blanc qui dépasse. Et vu que t'as la barbe brune, c'est très moche. Enfin, c'est pas très moche, c'est très perturbant quoi. Je le vois pas là. J'ai un gros poil blanc. Là. Ah oui, d'accord. À droite de ta bouche, en bas, t'as un poil blanc qui rebique. Excusez-moi, mais. Ça fait pas poivre et sel, ça fait juste poil blanc dans une barbe noire. Ah, effectivement. Ouais, ça fait George Clooney. Non, ça fait perturbant, je peux te l'enlever. Non, quand on a 15, ça fait pas Clooney, c'est quand on a plusieurs que ça fait Clooney. Eh ben alors, ça fait clown juste. Ouais, clown. Quoi, mais c'est pas grave. Non. Ça perturbe. Mais tu veux pas que je te l'enlève ? C'est pour toi. Hein. Ah non, mais je. Alors, jamais de la vie, tu m'enlèves un poil. Hein. Non, mais pas avec mes dents. Hein. J'ai bien une pince à épiler ou je le fais avec mes doigts. Oh là là. Très mal. Alors, tu sais quoi ? Je ne me suis jamais enlevé de poils avec une pince à épiler de toute ma vie. De aucune zone de ton corps ? Jamais. Mais on passe notre vie à faire ça. Bah, ça, c'est vous qui avez bouffé la pomme, vous subissez les conséquences. Hein, je vous rappelle. Je te jure que si je le prends à la racine, ça te fera pas mal. Oh, t'as une pince à épiler ? Je suppose, faut que je regarde. Attends. Ah, Nico ? Alors, si on fait ça, est-ce que je peux filmer cette scène ? Non, mais là, s'il vous plaît. Ça devient humiliant. Non, parce que c'est génial. Non, mais yeah, c'est ça, ça. Glandu a raison, ça devient humiliant. Yeah. T'as quoi ? J'ai une pince à épiler, mais si tu préfères, je le fais avec les doigts, mais c'est mieux qu'avec une pince. Bon, vas-y, filme, Nico. Ouais, cool. Tu veux vraiment me l'enlever ? Je serais d'une rapidité, d'une douceur inégalable. D'ailleurs, mais, je crois que t'en as deux. Tu sais quoi, vraiment, ça me... j'ai les mains moites. Non, mais, ça me tend. Non, mais on passe notre vie à enlever tous les poils de notre corps. Franchement, c'est absolument. Oui, mais rien. Ça, c'est votre problème. Moi, je veux pas le savoir. Ça fera pas mal. Ça, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Nico, t'es prêt ? Ouais, c'est bon. T'as sur Facebook en live. Glandu ? Manu, sache que je suis solidaire et si tu cries, je te jugerai pas. Tu peux crier, tu peux pleurer. Tu bon, bah vas-y, viens me tirer. Je pense que ça va être. En plus, à ce niveau-là, je pense que ça va être horrible. C'est en direct sur Facebook Live. Je vais pour la première fois de ma vie me faire enlever un poil à la pince à épiler. Non, mais pour toi, ça peut pas. Non, mais ça peut paraître rien du tout, mais excuse-moi, je ne l'ai jamais fait, moi. D'accord ? C'est okay, un poil. Ce qui fait mal, c'est si je t'arrachais tous les poils avec de la cire, ce que je ne compte pas faire. Bon. Alors, vas-y. Je m'approche. Mais arrête de bouger, sinon je te jure que je vais te faire mal, ok ? Mais volontairement. Oula. Vas-y. Alors. Ouais. Là, tu vois, il y en a deux, vous pouvez le voir. Non, mais prends-en qu'un. Non, mais il y en a deux, autant les enlever. Ah, non, un. Je compte. Tu fais un décompte. Tu veux que je compte ou que je te mente ? Oui, un décompte. Ça fait un mal. Attends, vas-y. Attends. Vas-y. Arrête de bouger, s'il te plaît. Merde, je l'ai pas. Un. Deux. Ah ! Il est là. Ok, je fais les autres. C'est pas si. C'est pas douloureux, je t'en fais un autre. Oh putain. Vas-y. C'est précis. Hein. Non, attends, je l'ai raté. Allez, non, vas-y, c'est bon. Un. Ah, merde, je l'ai raté. Non, c'est pas. Oui, j'ai vu que t'avais raté. La dernière fois. Oui, bah t'en as fait qu'un, ça suffit. Non, à la limite, j'ai bien que tu me pètes un bouton. Mais ah non. Écoute, tu sais quoi, c'est pas si douloureux que ça en fait. On pourrait en faire un truc quotidien, l'épilation de Manu. Non, on n'en fera pas un truc quotidien. Mais c'est pas. C'est, je pense que vous exagérez beaucoup sur votre truc de genre ça fait mal quand on s'épile. Bien sûr, on est douillettes. C'est connu. Je pense que tu veux que je t'épile le mal-œil avec la cire demain, puis on voit si c'est douloureux ou pas. Tu veux m'épiler le maillot avec de la cire demain ? Non, je plaisante. Tu sais quoi ? Tu serais plus gêné que moi. Nico ? C'est pour ça que j'aime notre métier, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres métiers où tu peux faire ça et dire ça à tes collègues. C'est vrai que c'est rare que tu arrives à la banque et tu dis « Ça vous dirait que je vous épile le maillot demain ?» Ça marche pas. Non. Manu dans le 6-9, le super 06. 06 60 26 90 50. Le numéro qui va changer votre vie. Quelqu'un vous demande votre numéro de portable et vous n'avez pas envie de lui donner. À la place, vous pouvez lui refiler le numéro du Super 06. Vous faites croire que c'est votre numéro de portable. Cette personne, du coup, va vous rappeler plus tard, laisser un message qui arrive évidemment sur notre répondeur. Et chaque matin, tous ces messages, on les écoute ensemble. Voici pour démarrer un mec qui a un tic de langage que je ne connaissais pas. Salut Véronique, c'est Denis, que j'ai rencontré hier soir. Bah écoute, je serai demain soir à la nuit de l'auberge et puis je t'attends. Salut. C'est Denis. C'est quand t'es mal à l'aise, tu as des tics de langage un peu relous comme ah ça. Ah bah il était super mal à l'aise alors. Alors maintenant, prochain message, je le trouve très étrange. Excusez-moi, je crois que c'est une erreur. Je vous embrasse bien fort. C'est il s'attache vite, hein. Il appelle un inconnu, mais il les embrasse bien fort. Ah oui, c'est l'homme qui tombe amoureux le plus rapidement du monde. Il y a des SMS qui arrivent aussi, puisque c'est un numéro de portable, le Super 06. Je t'ai cherché toute la nuit dans le camping, je voulais dormir avec toi, pourquoi t'es parti sans dire au revoir? C'est con. C'est si ça se trouve, il attend dans le camping depuis la saison dernière en plus. Un autre. Quand on couchera ensemble, tu pourras faire comme si tu étais une abeille. Ça m'excite terriblement. Oh, ouais, chelou. Je ne comprends même pas le délire. Ah bah non, c'est flippant. Pourquoi faire comme une abeille ? Mais me demande pas, je sais pas. Parce bon, qu'il est fou. On passe à autre chose et on n'en parle plus. Manu dans le 6-9, 0800 70 42 48. Énergie. On va parler de nos premiers rendez-vous. Je vous ai demandé de m'appeler au 0800 70 42 48 pour me dire non pas ce que vous dites à un premier rendez-vous, mais ce que vous ne dites pas. Quelle est la chose à ne pas savoir sur vous à un premier rendez-vous ? Qu'est-ce que vous ne direz jamais à un premier rendez-vous ? 0 870 42 48, il y a aussi les réseaux sociaux sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez y aller. On a Sébastien qui est là. Bonjour Sébastien. Salut Manu. Qu'est-ce que tu ne diras jamais à un premier rendez-vous ? Alors à un premier rendez-vous, je ne dis jamais que je travaille dans les pompes funèbres. Ah ! Ah ouais. Effectivement. Ah ouais. Alors, c'est horrible. Il y a un truc, ça peut faire peur. Ou alors ça peut être hyper. Non, alors ça va intéresser. On va poser des questions, mais peut-être pas aller plus loin en fait. Ah c'est moi, ça, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'est arrivé une fois de le dire et la fille a pas donné suite. Donc maintenant, à chaque fois, j'invente un autre métier et c'est beaucoup plus facile et je l'annonce plus tard en fait. Et tu dis quoi comme métier du coup ? Oh, je trouve n'importe quoi après. Je trouve serveur, je trouve prof de sport, je trouve n'importe quoi. Mais c'est drôle. Mais ouais. Ah mais je trouve ça dommage moi, je trouve ça tellement fascinant comme métier, ça comble tellement de blancs pendant un premier rendez-vous que je trouve ça très cool de l'annoncer direct moi. Ouais mais justement tu discutes et puis après t'as plus le côté magique. Non mais attends, ouais. Il suffit pas de dire ouais c'est hyper morbide, je travaille dans les pompes funèbres, t'y mets un petit peu de fantaisie. C'est quoi ça, ouais, c'est vrai que c'est hyper fun. Oui non mais si tu parles comme ça avec n'importe quel métier ça marche. Hein. Ouais, regarde. Eh ouais je suis serveur. Donc, c'est le ton qui va pas quoi. Nico. Quand tu dis que tu l'annonces plus tard c'est pas longtemps après. Ça fait pas 15 ans que t'es avec la même fille et elle croit que t'es prof de sport. Ah mais c'est, en fait c'est dès qu'on a fait l'amour. Ouah. Ah au fait, je travaille avec les morts. Et quand tu l'annonces après, ça passe ou pas? Ouais difficilement parfois ouais mais ça passe. Oh d'accord mais tu dois avoir des histoires de ouf en plus. Mais grave ouais, toujours. Franchement ouais, utilise-le hein. Mais ouais mais pardon en fait. Oui vas-y Sébastien. Non, j'écoute rien. J'ai dit utilise-le, je te jure, moi ça me fascinerait. Et puis en plus y'a rien de pire que de mentir à une nana. Elle te quittera quoi qu'il arrive parce que tu lui as menti. Dis-le, pompe funèbre. Au prochain rencard, je le fais et je te tiens au courant. Avec plaisir. Vous avez qu'à avoir un rencard tous les deux. Ouais, bah, tu me raconteras. Bah oui, bah, vous regarderez, vous irez voir. Regarde, ça c'est un mort d'hier. Sébastien, je te remercie de m'avoir appelé. Je te souhaite une très belle journée. Qu'est-ce que vous ne direz jamais à un premier rendez-vous, Nico? Il y a juste Cédric sur Twitter qui dit mes cheveux sont faux, je porte une perruque, putain de calvitie. Ça vient du cœur. C'est vrai qu'un premier rendez-vous. C'est compliqué un premier rendez-vous de la boule. Oriane? J'avoue que premier rendez-vous, j'évite de parler de mon désir d'enfant. Je veux un enfant dans les 2 ans, je le sais, mes potes le savent. Au premier rendez-vous, ouais. Je pense que ça peut faire flipper. Oh, dire à un premier rendez-vous, je veux un enfant dans les 2 ans, ça met pas la pression au mec. Non, mais je préfère le cacher, puis après, quand il est amoureux, je lui exposerai ouais, mes projets. Oui, puis là, il fuit. Glandu ? Non, surtout que dans les 2 ans, si je me trompe pas, ça dure 9 mois une grossesse. Donc mais ça veut dire que tu le veux dans un an, quoi. Bah non, mais regarde, je rencontre un mec demain. Évidemment, je lui cache mon envie d'avoir un enfant dans les 2 ans. Mmh. On tombe fou amoureux. Bon, va falloir qu'on le fasse hors mariage. Au bout de, allez, 1 an et 2 mois, je tombe enceinte. Et dans 2 ans, j'ai un enfant. C'est très très simple. Oriane, c'est le type de nana à avoir déjà les prénoms de ses 5 enfants dans la tête. Non, parce que j'ai au moins 2 prénoms mecs, 2 prénoms filles. Mais j'en ai pas 5. Romain est là au téléphone. Bonjour Romain. Salut Manu. Alors moi, un truc que je dirais jamais au premier rendez-vous à la fille, c'est que j'utilise pas de coupon pour les ongles de pied. J'utilise mes doigts. Mes doigts. Pardon? C'est dégueulasse? Ah ouais? Je sais. Il est content! Oui, ça donne pas. Effectivement, ne le dis jamais à un premier rendez-vous. Et mon conseil, Romain, si je peux t'en donner un, ne le dis jamais. Et même mon meilleur conseil, ne le fais plus. Merci de m'avoir appelé, Romain. Nico. Sandra sur Twitter qui dit je ne m'épile pas sous les bras. Ne le dis jamais non plus. Non plus, il faut pas. J'aime beaucoup ça, ce truc. Ouais, c'est cool. Bah, c'est le concept, hein. On ne dit pas. Au premier rendez-vous, ces choses-là, voire au deuxième. Manu dans le 6-9, rejoignez-nous, 0800 70 42 48, Énergie. Oriane, donne-moi une lettre. F. F? Oui. F, ok. Glandu, donne-moi une autre lettre. M. M. Écoutez-moi bien. Si vos initiales sont FM, c'est-à-dire que votre prénom commence par un F et que votre nom commence par un M, vous m'appelez maintenant au 0 870 42 48. Le premier qui m'appelle repart avec 1000 euros. Go ! C'est cool. Allez. FM. Et si vous connaissez quelqu'un qui a ses initiales, dites-lui très très vite de m'appeler. Si c'est le premier, il repart avec 1000 euros. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Rejoignez-nous aussi sur Instagram. @ManuDansLe69. Énergie. Je vous ai donné 2 lettres il y a 5 minutes. Ces 2 lettres étaient F. M. Oui. Le principe était très simple. Si vos initiales sont FM, c'est-à-dire prénom qui commence par un F, nom qui commence par un M, il suffit de m'appeler au 0870 42 48. Bim, si vous êtes le premier, vous repartez avec 1000 euros. C'est un jeu qui demande aucune réflexion, c'est très bien. Eh ben, c'est-à-dire que c'est de notre niveau. c'est tout à fait nous. Voilà, voilà. Pour faire cette émission, il faut aucune réflexion. On est bien, on est dedans. Glandu. Et puis c'est un jeu collaboratif parce que si on réfléchit, on cogite, si on connaît quelqu'un qui s'appelle comme ça, il faut le prévenir très rapidement. Exactement. Et voilà. C'est collaboratif. Ça, c'est beau. Exactement. Et après, et vous lui dites, ok, j'ai 1000 euros pour toi, mais je vais te dire comment les gagner, mais on les divise par 2. Ouais, exactement. Ah, pas mal. Attention, beaucoup d'appels. Qui a été le premier à m'appeler? Allô? Allô? Allô? Oui, c'est toi, tu m'entends? Oui. FM, est-ce que je peux savoir comment tu t'appelles? Florian Munoz. Florian Munoz, FM, tu viens de gagner 1000 euros! Ouais, FM! Tu m'entends, Florian? Oui, oui. T'as été le premier à m'appeler. Tu peux embrasser tes parents, tu peux remercier monsieur et madame Munoz. Ouais. Tu peux même remercier tes grands-parents, monsieur et madame Munoz, qui ont fait le petit Munoz, qui lui-même a fait le petit Florian. Grâce à tes parents, tu repars avec 1000 euros ce matin, Florian. Merci, merci. Est-ce que c'est pas la fois la plus simple de ta vie de gagner de l'argent? Ça fait du bien. Je vais vous dire un truc, c'est un message qu'on est en train de faire. Ouais. Ce message, et là je suis très sérieux, s'adresse à tous les enfants du monde. Vous voulez gagner de l'argent? Tombez pas dans la drogue. Non. Non. Écoutez-nous et ayez un prénom et un nom. C'est mon message du jour. Faites 2-3 études si vous avez l'occasion. Mais... Aussi. Oui, ça passe pas mal, non? Mais le plus important, c'est de ne pas oublier de demander à vos parents de vous donner un prénom et un nom. C'est le message du jour. Après avoir dit ça, je pourrais prendre un cheval et partir tranquillement dans l'Ouest, comme ouais. Ça. Youhou! Je vous salue bien bas. Florian, bravo à toi, 1000 euros. Merci. Je te souhaite une très belle journée. Bonne journée. Manu dans le 6-9. Rejoignez-nous aussi sur Twitter @ManuDansLe69. J'avais un sondage dont je voulais parler. Écoutez bien, nous possédons en moyenne à la maison 77 appareils électriques, dont 10 qui ne nous servent jamais. Wow. L'objet électrique dont on ne se sert le moins, et alors il y en a deux ex-aequo. Il y a le lecteur DVD et le téléphone fixe. C'est vrai, je m'en sers jamais, moi. Bah ouais. Alors, le téléphone fixe, j'en ai un, mais... Je crois qu'il y a deux personnes qui ont le numéro, donc du coup, on sait qui c'est. Donc du coup, si on n'a pas envie de répondre, c'est cool. Moi-même, je crois que j'ai pas le numéro de mon propre fixe. Moi non plus. Pour l'avoir, il faut que, faut que j'appelle mon téléphone portable et que je vois le numéro. D'accord. Et le lecteur DVD, alors ça, j'en ai carrément plus. Bah, ouais. Je mets tout dans l'ordi si j'ai besoin de mettre une disquette et encore quoi. Puis j'ai la PlayStation moi. Ouais, c'est ça. La PlayStation 4 c'est génial, ça fait lecteur DVD. Ouais. Pour les trucs genre Netflix, etc., tu peux regarder aussi. Ouais. Attends, mais c'est cool à offrir aux parents, ils sont toujours contents à Noël d'avoir un lecteur DVD parce qu'ils découvrent, ça y est. Hein. Ils viennent de découvrir les Blu-ray, mes parents. Là. L'avantage avec les parents, c'est que tu leur offres un magnétoscope, tu leur dis que c'est cool. Et ils disent, regarde, c'est un lecteur MP3. Lecteur MP3 C'est génial. J'ai une question très simple. Quel est chez vous l'appareil électrique dont vous ne vous servez jamais? Vous pouvez m'appeler 0870 42 48. Nico? Moi c'est mon micro-ondes. Ah je suis désolé, ah je sais que toi tu utilises énormément, mais je ne l'utilise plus. C'est la base de la vie, le micro-ondes? Plus. Ça, en fait, j'ai déménagé au mois de février. J'ai maintenant une cuisine qui est un petit peu plus grande avec un beau plan de travail. Et du coup, maintenant, je prends vraiment plaisir à cuisiner. Mais attends, je veux dire un truc tout court. L'un n'empêche pas l'autre. Tu te prends pour Masterchef. Fais ton truc. Ok, mais par exemple, le lendemain, il t'en reste. Tu le réchauffes. Tu fais comment? Je fais genre les pâtes ou les trucs comme ça, je les fais à la poêle, c'est encore meilleur. Je fais les trucs à la poêle et tout, ou alors je le passe au four. Tu sais quoi, toi? Je rappelle que Nico Duweb se marie dans 10 jours, tu files un mauvais coton. Ouais, mais non. Si, tu sais quoi, t'as changé. Mais pour faire chauffer ton bol de lait, tu vas pas le mettre à la casserole? Ah bah si. Autre chose, le riz minute là, tu le chauffes où? Ah bah tu sais quoi, c'est vraiment meilleur le riz minute quand tu le fais à la casserole. Mais non, c'est le principe! Mais si, il y a écrit micro-ondes dessus, bordel! Nico, je vais te dire un bon truc. Quand tu prends ton riz minute et qu'au lieu de le faire au micro-ondes comme c'est écrit sur le sachet, tu le mets à la casserole, ce que tu fais en vrai, c'est un putain de bras d'honneur au mec qui a inventé le riz minute. Mais non, je lui offre une seconde vie au riz, il se dit non, je vais te manger dans un micro-ondes, va être fait en 2 secondes, comme ça, je vais faire le truc, je vais être chaud, même un petit peu trop chaud au milieu et vous allez devoir souffler dessus. Et ben non, moi je le cuisine, moi je le traite bien, moi. Mais le riz. Il l'a fait pour ça, mais il l'a pas fait pour que tu le mettes dans une casserole. Le mec qui a inventé le riz minute, il a dit je le fais pour Nico, comme ça, ça lui fera plaisir. Mais il savait pas un jour que Nico allait péter les plombs parce que monsieur Osmar et qu'il allait se prendre pour un chef du cul. T'es jaloux. Vous aviez quelque chose d'autre à rajouter? Un chef du cul, non c'est bon. On peut s'arrêter. Alors on prend Tiffany au téléphone. Bonjour Tiffany. Salut Manu, salut l'équipe. Coucou. Bienvenue ce matin parmi nous Tiffany. Quel est l'objet électrique que t'as chez toi dont tu te sers jamais? Eh ben c'est un épilateur pour les poils de nez. Tu m'étonnes. Ça existe ça? Ah bah oui. Ah bah oui, bien sûr. Plein de mecs en ont. Ouais. Un épilateur pour les poils de nez? Bah c'est pas mal hein, si t'en as. Mais c'est électrique ça, comme ça. Bon toi Nico, ferme-la, on sait que t'es pas comme tout le monde. Aïe aïe aïe, j'utilise, pas micro-ondes, c'est bon. Oh, va te marier, fous-nous la paix. Tiffany, je te remercie de m'avoir appelé. Merci, à bientôt, au revoir. Gros bisous. Oriane? J'utilise pas mon fer à repasser moi, jamais. Je crois que je ne l'ai d'ailleurs jamais utilisé. J'en ai acheté un quand j'ai emménagé. Et je suis la pire ménagère du monde, je mets tout froissé. Alors figure-toi que moi je sais qu'on a un fer à repasser chez nous, ouais. Mais sans vanne, je ne sais pas où il est. Ah tu sais pas où il est? Mais non mais moi, oh là là, j'ai peur que ça m'attaque ce truc-là. Non mais je suis d'accord, il y a un endroit où tu mets de l'eau, pchit de vapeur. Enfin, en gros, je crois que je n'ai jamais utilisé vraiment un fer à repasser correctement. Ah non, mais je crois que ma copine, ça l'éclate de s'en servir, je m'en sers pas moi. Non, chacun s'est joué. Nico? Moi j'ai un défroisseur vapeur, c'est mieux. Mais arrête arrête. C'est quoi? T'es en train de mal tourner, je te jure. Non, mais c'est hyper bien, c'est tu la révolution. Tu tournes bobo. Tu tournes bobo. Jamais maintenant, tu vas vie. Venir avec des bâtons de carottes le matin au lieu de manger un croissant. Bien sûr. Et pire, tu vas arriver en mocassin. Wow. Et là, je vais te dire, Mike, il sera trop tard. Manu, dans 6-9 sur Énergie. Avant de partir, plusieurs choses. D'abord, il y a une vidéo qu'on va vous mettre sur manudans69.com, vous pouvez aller la voir. C'est, je pense, le père le plus énervé du monde. Il y a un mec aux États-Unis qui apparemment a découvert sa fille avec un garçon dans sa voiture. Ils étaient en train de faire des choses. Ça a beaucoup énervé le père. Il les a pas engueulés. Il a juste attendu qu'ils sortent de la voiture. Et là, il est arrivé. Avec un engin de chantier, comment ça, un tractopelle, ouais. Il a démonté la bagnole. Ouais, ouais. Et il insiste, hein, il le fait pas qu'une fois. Il attend que la voiture soit écrabouillée pendant 4 ouais. minutes. Ça a été filmé et le mec l'a mis sur YouTube. Il détruit la voiture de sa fille. Nicole Webb. C'est une belle voiture. Hein. C'est la marque, c'est Audi. Alors, c'est une Audi A4. Voilà. Ça coûte 30 000 euros. Si ça se sait dans leur ville, il n'y a plus aucun mec qui osera toucher le cheveu de cette nana. Elle fera jamais l'amour avec ce père-là. C'est horrible. Ah, bah là, ça se sait. Hein. Ah bah il y a oui. la vidéo. Si, nous, si on, nous, on le sait en France, je pense qu'aux États-Unis, le mec le sait hein, quand même. Hein. Glandu. En même temps, il n'a pas touché au garçon, donc il n'est pas si dangereux que ça. Oh, bah ça va. Non, ça va. Ouais. Il a vraiment du sang-froid, ce monsieur. Oui, c'est exactement ça. Il est gentil. Il détruit juste les voitures des gens. C'est un pacifiste. Ça va. Oui. Assistant machin, t'as trouvé ce Strombellas ? Ouais, c'est bon, il est là. Ah. Alors, écoutons. Tu oui, connaissais ? Oui, je connais, j'adore. Et ben voilà, j'avais c'est oublié. Spirit, ça va arriver pour vous dans 3 minutes. Très bien. Allez, 9h25, les amis, on va s'en aller. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission, vous le retrouvez sur notre site internet, c'est manudans69.com. Tout ce qu'on poste aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre compte Twitter, notre compte Facebook, sur notre Snapchat, vous pouvez tout retrouver toute la journée sur notre nouveau site web, c'est manudans69.com, parce que oui, on pense à vous la journée, vous avez aussi envie de glander. Manu dans le 6-9 sur Énergie.